Lève un peu les yeux, tu verras les premières cigognes. Que se passe-t-il dans les champs? Le ruisseau qui craque en fondant fait la course au vol frémissant des premières cigognes. Déploie comme un arc-en-ciel ses premières cigognes. Que se passe-t-il dans tes yeux? Ils ont l'air de croire au bon Dieu. Moi, j'y vois danser dans du bleu les premières cigognes. De velours, que se passe-t-il dans mon cœur? Tu le sauras bien tout à l'heure. Les cigognes font du bonheur. Aujourd'hui commence le printemps. Voici donc Robin Gerbaud. Et le titre s'appelle tout simplement Je t'aime encore plus. Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Non pas que je t'aime moins près de moi, mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Car je peux rêver de toi. Y a pas moyen quand nous sortons de rentrer à une heure normale. Tu restes fraîche comme un gardon. Moi je m'éteins et je deviens pâle. Mais le lendemain y a plus personne. Je me fais un mauvais sang fou. Papa t'en rond, toi tu ronronnes, oubliant tous nos rendez-vous. Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Non pas que je t'aime moins près de moi, mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Car je peux rêver pour toi. Pardon, mon amour, de te dire tout ça, mais viendra le jour où tu le verras. Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Non pas que je t'aime moins près de moi, mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Car je peux rêver de toi. Quand tu es loin, le temps me dure. Je repense à nos discussions. Tes intentions me semblent pures. Je finis par te donner raison. J'idéalise notre amour en te trouvant même des vertus. Mais lorsque tu es de retour, je comprends que parfois on tue. Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Non pas que je t'aime moins près de moi, mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas là. Car je peux rêver pour toi. Quand je suis dans tes bras, j'ai chaud, je suis bien près de toi. Je ferme les yeux, tu ne parles pas, et je peux rêver de toi. Que je peux rêver de toi. Arc-en-ciel. Un amour de la femme. t'aime d'amour. Je suis fou de tes lèvres, de ce feu qui m'enfièvre quand je suis dans tes bras. Toi, je t'aime d'amour. Il n'y a rien à faire. Mon seul but sur la terre, c'est de vivre avec toi. Si d'aventure j'ai pu sourire à d'autres, je te le jure, je ne t'ai pas trahi. Toi, je t'aime d'amour. Toi, tu es ma richesse, la force et la faiblesse de mes nuits, de mes jours. Toi, je t'aime d'amour. Toi, je t'aime d'amour. Plus ardente flamme brûle au fond de mon âme quand je parle de toi. Toi, je t'aime d'amour. En secret, je t'admire. J'adore ton sourire et l'élan de tes joies. Quand tu m'emportes aux portes de l'ivresse, mon cœur déborde du plus grand des bonheurs. Toi, je t'aime d'amour. Je suis fou. Ce feu qui m'enfièvre quand je suis dans tes bras. Toi, je t'aime d'amour. Voici donc qui s'appelle Victoria Marino. Le titre Mon cœur est une sérénade. Voici donc les filles de mon village, et c'est tout simplement Maria Candido. Vous dansez, mademoiselle? Mais bien sûr. Quelles sont jolies les filles de mon village. Quand au bal du samedi soir, tout le monde vient les voir. Elles ont choisi leur plus joli corsage. Leur petit cœur fait des bonds au rythme des plomb-plomb. Tous les yeux brillent quand les violons font tourner leurs jupons. Le vin pétille et tout joyeux. On devient plus amoureux. Mais pour trouver des filles qui soient plus sages, vous pouvez toujours chercher à travers le monde entier. Quelles sont jolies les filles de mon village. Elles font de mon pays un coin de paradis. Dire qu'il y a des gens qui vont au bout de l'univers pour y trouver des filles à la peau brune et aux yeux verts. Malgré toute la grâce des filles de Tahiti, pour moi rien ne remplace les filles de mon pays. Quelles sont jolies les filles de mon village. Quand au bal du samedi soir, tout le monde vient les voir. Elles ont choisi leur plus joli corsage. Leur petit cœur fait des bonds au rythme des plomb-plomb. Tous les yeux brillent quand les violons font tourner leurs jupons. Le vin pétille et tout joyeux. Mon petit bal rigolo, comme on s'aime. Il y a des bonjours, des encore, des toujours, des quand même. On se grise d'un rien en grignotant un brin d'amourette. Et c'est tout simplement Âme Barolier avec tout simplement le bal rigolo. Le petit dieu de l'amour grimpe au mât de cocagne d'un serpentin. Je dessine un château en Espagne et dans les marronniers un apprenti sorcier qui sourit là-haut. Cherche mon cœur accroché au petit bal rigolo. Mon petit bal rigolo, comme on s'aime. Y a des bons jours, des encore, des toujours, des quand même. Je t'emporte à moitié et l'apprenti sorcier qui sourit là-haut. Garde mon cœur accroché au petit bal rigolo. Garde mon cœur accroché au petit bal rigolo. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Aujourd'hui, pas question de boulot. Quelle est donc l'empotée qui a pu inventer que le travail, c'était la liberté? Laissez-moi doucement rigoler. Moi, je préfère gentiment me les rouler. En regardant les copains se crever au turbin, dans la vie, faut que chacun se fasse la main à ce qu'on est bien. Quand on ne fait rien, y a qu'un métier, celui de rentier. Y a des gens qui ne travaillent jamais trop. Moi, je prétends qu'ils travaillent du chapeau. C'est des originaux, moi je suis pas si ballot. Tous les jours, c'est mon jour de repos. Je n'ai jamais compris que dans la semaine, il n'y ait qu'un dimanche, c'est pas suffisant pour nous reposer de toutes nos peines. S'il y en avait sept, ce serait charmant. Et l'on pourrait se dire enfin, en s'éveillant chaque matin. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Aujourd'hui, pas question de boulot. Je vais pouvoir au dodo écouter la radio en lisant tranquillement mes journaux. Après ça, si je vois qu'il fait beau, je m'en irai flâner au bord de l'eau, surveiller les bouchons des pêcheurs de goujons et m'étendre un peu sur le gazon. Ah, ce qu'on est bien quand on ne fait rien, c'est tellement doux si tout à coup une belle fille au sourire en jalèse gentiment venait m'offrir son cœur. Je lui dirais, mon coco, garde donc tes bécots. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Et si parfois, mesdemoiselles, votre amoureux dans le dodo, pour vous aimer, manque de zèle, eh bien, ne cherchez pas, c'est son jour de repos. Ne cherchez pas, c'est son jour de repos. Ne cherchez pas, c'est son jour de repos. Voici donc qu'elle s'appelle Rina Kitty. Et puis dont son titre s'appelle Le carrosse de Don Domito. Sur le chemin qui va de Saragosse à Bilbao, voici venir dans un très vieux carrosse, Don Benito. Mais sur un rocher guettait le diable, qui murmurait d'un ton redoutable. Je vais m'arranger pour te faire croiser, c'est lui qui va te damner. Sur le chemin à Bilbao, à quelques pas devant le vieux carrosse, on vit bientôt. Douce et parfumée par le vent d'été, la plus jolie des bergères. Et Don Benito séduit aussitôt un oubli à ses prières. Il s'arrêta. Le cœur en feu, mais ne vit pas ricaner par derrière le diable. Mais en entendant le diable rire, Saint-Pierre voulut éviter le pire en faisant passer par ce lieu damné

et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à Florian, voici une des chansons portugaises et une chanteuse que lui il connaît très bien et qu'il aime. Donc voici pour lui à Florian. Tout simplement à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez avoir l'émission avec Manuel, avec l'émission Découverte. Juste après lui, entre 19h jusqu'à 22h, avec Albino, avec l'émission Marika. Et puis demain on sera samedi, et à partir de 9h jusqu'à midi, eh bien, vous allez retrouver l'émission Portial, nos Corésiens, avec Christine. Donc voici donc Georgius et le titre En vélo. Arc-en-ciel, un amour de la femme. No, no, no, no.

battait déjà pour moi. Tu avais un air conquérant, comme un petit Robin des Bois. Depuis nous nous sommes aimés, mais entre nous rien n'a changé. Car si tu es l'homme du jour, tout comme autrefois mon amour, tu es mon champion, mon petit champion. Tous les journaux parlent de toi. Lorsque dans la rue les gens te saluent, je me sens fière malgré moi. Tu as des amis, tu es admiré, mais je suis la seule à vraiment t'aimer. Tu... Annie Fleur, mon champion. Petit garçon, sera toujours mon champion. Mais un jour la chance a tourné, on ne peut pas gagner toujours. Brusquement tout s'est écroulé, mais il nous reste notre amour. Regardons plutôt l'avenir, car rien ne peut nous tu n'es plus l'homme du jour, tout comme autrefois mon amour. Tu es mon champion, mon petit champion, qu'importe la célébrité. Et si tu n'es plus, plus qu'un inconnu, pour vivre heureux, vivant caché, tu n'as plus d'amis, tu es oublié, et je suis la seule à aimer. Tu restes pour moi le petit garçon qui sera toujours mon champion. On les analyse, on n'en reste pas bas. Anala, s'il y a quelqu'un qui n'a pas vu mes ananas, bien qu'il le dise. Si vous n'en voulez pas, surtout ne tricotez pas la marchandise. Car entre nous, pas besoin de chicaner. C'est les plus beaux ananas de l'année. N'hésitez pas, ne faites pas d'embarras, tout le monde en aura. Anala, un jour un homme va l'attendre, l'air tendre. Prenez mes ananas et mes bananes. Des ananas comme ça, y a de quoi en faire un plat, je le proclame. Et quant à sa guise, on les analyse, on n'en reste pas bas. Anana, prenez son 5 ou 7, prenez toute la poussette si ça vous tente. Seulement je vous le dis tout net, je suis une fille honnête, je suis chez ma tante. Et si en plus vous voulez mes appâts, sans le mariage, moi je ne marche pas. Il accepta et puis ce jour-là, il voilà. Juste un l'instant, vous avez pu entendre Doris Marnier avec Ananas. Et puis voici donc Albert Préjean, Ma Java. Ah là là. Dans le monde, à la ronde, on lance des pas nouveaux. Des pays, des rumbas, des forces et des tambours. Mais en France, en fête danse, malgré les modes du jour, c'est la Java qui prime et qui plaira toujours. Quand les yeux, dans les yeux, on sait la tourner à deux. Une Java, c'est un peu d'amour sur de la musique. Une Java, y'a rien de plus doux, de plus poétique. Ah, je voudrais rester là, comme ça, toute la vie dans tes bras, comme ça. C'est le moment où l'on est rivé par la même chaîne, où tendrement les corps ne font rien, les cœurs s'appartiennent. Chérie, toujours tu m'aimeras, comme ça. Ce sont tous ces mots-là que l'on dit tout bas dans une Java. À Paname, oui madame, de belles villes à Clichy, on guinche aussi la Java chez les affranchis. Aux musettes de la Villette, quand Dudul vient en peinard, s'il aperçoit sa régulière ou son doublard, il lui fait comme ceci. Elle s'amène et allégit. Une Java, c'est un peu d'amour sur de la musique. Une Java, y'a rien de plus doux, de plus poétique. Ah, dis mon petit homme, tu m'as comme ça. Pour les bobards, tu repasseras comme ça. Pour après-demain, il faut un costard et puis une niquette. Ousteau, turbin et tâche de t'amener avec une recette. Ou sans ça, tu dérouilleras comme ça. Ce sont tous ces mots-là que l'on dit tout bas dans une Java. En Bretagne, en Champagne, en Vendée comme on fait tout, maintenant c'est la Java qu'on lance partout. On dit même quel poème que lorsqu'ils vont dans un bal, les Auvergnats et les gars du Massif Central. Alors belle, en dansant, murmure ta déclaction. Une Java, c'est un peu d'amour sur de la musique. Une Java, y'a rien de plus doux, de plus poétique. Chère, moi fort dans tes bras, comme ça. C'est si charmant ce truc-là, comme ça. Dans un transport, quand j'y trace mon corps, tes charmes m'excitent. Moi, mon trésor, je me tiens sur moi comme dans l'anthracite. C'est bien mieux que la bourra. Voici donc le titre, c'est Casino, et c'est tout simplement le titre, c'est ça. Et c'est Jean-Marco, voilà. Avec Arc-en-Ciel, découvrez la passion de la musique. Pour vous amuser, venez au casino. Sans tarder, venez écouter les airs les plus nouveaux. Vous jouerez à la boule, au chemin de fer, au baccarat. Vous jouerez à flirter, mais ne perdez pas la boule. Car ici, les femmes sont jolies et l'on soigne le cœur par une cure de folie à la source de bonne humeur.

Voici donc les roulottes avec Juliette Gréco. Les roulottes se sont arrêtées sur la place du village. Ils viennent de s'installer et défont leur cordage et nourrissent les bêtes sauvages. Ils faisaient répéter le bois, les chiens et les singes savants. La petite fille de 4 ans s'est cassé le bras, mais fait son numéro gentiment. Parmi eux, il était un petit gars de 16 ans, avec des yeux brillants et l'air nonchalant. Un soir, le gars s'est dit, il faut aimer. Alors il est parti et l'a trouvé. Essaye au bord de la rivière qu'ils se sont embrassés. La lune brillait, le ciel souriait et et l'aurore pointait, et le temps du boulot arrivait, et les bêtes à nourrir, pour ne pas mourir, il fallait courir. Et lorsqu'il est arrivé sur l'emplacement, les roulottes avaient fui. Sans argent, 16 ans, alors tout. Sans rien trouver, il a téléphoné au village d'à côté, mais on n'avait rien vu. Inconnu, inconnu. Et les roulottes roulent jour et nuit comme l'amour. Voici donc Couleur, tout simplement, avec Agnès Capri. M'aimait une femme, tous les trois m'ont fait son portrait. Le premier m'a dit, les cheveux comme de la mousseline, un visage comme du crêpe de Chine, des yeux comme du velours, une bouche comme du satin. Des seins mignons, des mains mignonnes, un cou mignon, des épaules mignonnes, des pieds mignons, des jambes mignonnes. Le deuxième m'a dit, ses cheveux sont un rêve, son visage est un songe, ses yeux sont des étoiles, sa bouche est une caresse. Des seins mignons, des mains mignonnes, un cou mignon, des épaules mignonnes, des pieds mignons, des jambes mignonnes. Le troisième m'a dit, des cheveux couleur de mimosa, un visage couleur de rose, des yeux couleur de bleu, une bouche couleur de coquelicot. Des seins mignons, des mains mignonnes, un cou mignon, des épaules mignonnes, des pieds mignons, des jambes mignonnes. Pour son corps, ils étaient tous d'accord. Malgré tout, le portrait est encore imparfait, car je ne sais comment était le détail le plus troublant. Mais je ne suis pas si bête, et comme elle a déjà trois têtes, je risquerais toujours de dire que c'était en velours, couleur de mimosa, et tout à fait mignon. Voici un petit bonjour à tout simplement Anne-Sophie qui aime beaucoup les chansons de tout simplement Edith Piaf. Le titre s'appelle tout simplement eh bien Les Amants de demain. Et puis juste après une des chansons de Lily Harmony qui s'appelle le titre Ici. Donc un petit bonjour. Les amants de demain, le cœur ensoleillé, les yeux émerveillés, iront main dans la main, les amants de demain, les bras chargés d'amour, s'aimeront à leur tour dès demain. Les amants de demain s'aimeront d'un cœur pur, bénissant leurs blessures et perdus de s'aimer, ils iront vers le feu qui dévore leurs yeux et réchauffe leurs mains. Les amants, les amants, ils se rencontreront autour d'une chanson qui les aura vus naître. Ils seront les plus beaux et sans dire un seul mot sauront se reconnaître. Les amants de demain, le cœur ensoleillé, les yeux émerveillés, iront main dans la main. Les amants de demain, enfermés dans un cœur, bâtiront leur bonheur dès demain. Les amants de demain s'aimeront sans raison, déchirés d'être heureux, que la pluie. C'était la les petits gars, les petites filles du dimanche, qui se retrouvent à 3 heures métro blanche, ont toute la semaine pour y penser, et ça les aide à travailler. Ils se baladent dans Paname qui sourit, à leurs jeux et à toutes leurs moqueries, car les gars, pour se faire admirer, se foutent des gens qui pensent à leur côté. Ça chante, ça crie et ça chahute, bras dessus, bras dessous. Dans le tumulte, le dimanche c'est fait pour s'amuser, eh ben on va en profiter. Eh hey, dites les gars, oh, on va au cinéma. Ah dis donc machin, tu permets, hein, là-bas il y a un film. Comme ça, on se cotise pour payer les entrées. Hop, ça y est, lève la rentrée. Maintenant, ça devient plus sérieux. Les petits gars ne sont plus très sûrs d'eux. On a beau charrier le jeune premier, mais lui au moins, il ose embrasser. Les petites filles sont devenues romantiques, et au moment le plus pathétique, leurs jolies têtes viennent s'appuyer sur l'épaule du gars d'à côté. On ferme les yeux et l'on s'embrasse, on respire fort et l'on s'enlace, on ne regarde plus le jeune premier, le dimanche c'est fait pour s'aimer. Mais le temps passe vite, il faut rentrer pour ne pas se faire en guirlandais. On reprend le boulevard sans dire un mot. Les petites filles ont le cœur gros. Les premiers baisers, ça c'est sérieux. Quant aux gars, eux ils sont très heureux, puisqu'ils ont osé les embrasser. Sûr qu'ils n'ont pas fini d'en parler. On a passé une belle journée, a bien commencé, mieux terminé. Et toute la semaine, on attendra dimanche d'après pour remettre ça. Arc-en-ciel, un amour de la scène. Voici donc une chanson portugaise de Tony Carreira, et puis c'est pour vous simplement vous signaler qu'il sera tout simplement au Zénith d'Orléans le 21 janvier 2022. Donc voici une des chansons de Tony Carreira. Elle já não está comigo, está noutros braços. Mas sentir rancor não sinto, se por ela passo. Eu sinto sim, ainda em mim, marcas do que a gente fez. E no meu ser, vou a saber, que além da primeira vez. Madrugada depois do som, na minha terra. Eu sou uma lei, tu és my friend. Ele é um boy e tu podes ser um man. He's good boy, he's good boy. É ser bom rapaz da Inglaterra. Ele é um boy, eu sou uma lady. Ele é um man, tu és my friend. São tão bons rapazes cá na terra. Na Inglaterra o meu irmão é um boy. Na Inglaterra o meu primo é um boy. Na Inglaterra o meu sobrinho é um boy. Ser bom rapaz na Inglaterra é good boy. Na Inglaterra o meu irmão é um boy. Na Inglaterra o meu primo é um boy. Na Inglaterra o meu sobrinho é um boy. Ser bom rapaz na Inglaterra é good boy. Na Inglaterra o meu irmão é um boy. Na Inglaterra o meu primo é um boy. Na Inglaterra o meu sobrinho é um boy. Ser bom rapaz na Inglaterra é good boy. Na Inglaterra o meu irmão é um boy. Na Inglaterra o meu primo é um boy. Na Inglaterra o meu sobrinho é um boy. Ser bom rapaz na Inglaterra é good boy. Na Inglaterra o meu irmão é um boy. Na Inglaterra o meu primo é um boy. Na Inglaterra o meu sobrinho é um boy. Ser bom rapaz na Inglaterra é good boy. Donc, bien pour demain, ce sera donc un samedi. Donc, voici la suite des émissions dans à partir de midi jusqu'à 14h avec pause musicale avec Sylvia. Et puis, juste après, entre 14h jusqu'à 16h avec porte ouverte, musicale, pardon, avec Carla. Et puis, entre 16h jusqu'à 18h avec Louis, avec l'émission Nosh Franca avec Julien. Et puis donc, pour le dimanche matin, entre 8h jusqu'à 10h, avec l'émission Antonio et Mathieu, avec Quental Dougalo. Et puis juste après, ce sera entre 10h jusqu'à 12h30, avec Lionel, Katia et Jérôme. Le téléphone sonne, donc c'est à vous de faire l'émission. Voici donc tout simplement la chanson s'appelle Tout Bleu et c'est Jean-Raphaël. C'était un amour de légende, tout bleu, et plein de secrets fabuleux. Le cœur chantait dans le vent du soir, le cœur battait de tendresse et d'espoir à l'entour d'un manoir au ciel pour eux. Les étoiles tressaient les guirlandes, tout bleu, tout bleu. C'était un amour merveilleux. Encore de la musique. Lorsque j'entends un air de jazz, toutes les fois je mets plein gaz. J'ai des frissons dans tout le corps. Et malgré moi, je crie encore, encore, encore de la musique. Toujours de la musique. Mon cœur qui devient foutable comme un sourd. Mes nerfs sont frénétiques, mes mains sont hystériques. Mes pieds perdent la tête et jouent du tambour. J'ai des vapeurs, un frappicard, et puis je pars, encore de la musique, toujours de la musique, j'en veux toujours la nuit et le jour. Je suis dingo pour le tango, je suis mordu du tcha-tcha-tcha. J'ai dans la peau le boléro. J'aime les pas de la Java. Je me souviens de la polka. J'aime la valse et ses accords. Je suis championne de Mustapha. Quand c'est fini, je crie encore. Encore, encore de la musique, toujours de la musique. Mon cœur qui fait du sport bat tous les records. Un do majeur, oh, et un malheur, un si bémol, et je m'envole, vole, vole. Encore de la musique, toujours de la musique. Je tourne et je me tends de plus en plus fort. Alors c'est diabolique, alors c'est frénétique. Je sens que tout mon corps est comme un ressort. Toujours de la musique, encore de la musique, encore, encore, encore. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Et donc voici Annie Gould qui nous raconte du coup. Du côté du soir, avec chaque soir. Je ne possède rien sur terre que mon cœur et ma chanson. Je t'ai déjà donné mon cœur naguère. Je t'offre à présent ma chanson. Chaque soir, près de toi, je m'endors. Que ma misère semble légère quand je m'éveille au premier rayon d'or. Combien je bénis mon sort.

d'arc-en-ciel. C'est aussi ça. C'est Pauline Benoît, et puis donc voici un autre morceau d'accordéon de Marc Michel et suivi de André Verschuren. Auprès de mes montagnes, loin des villes et du bruit, la vie passe tranquille, on est tous entre amis. Une alouette chante, annonçant le printemps, les beaux jours qui reviennent, présage du bon temps. S'il faut choisir un jour où l'on doit vivre sa vie, je veux rester toujours près de mon beau pays, auprès de mes montagnes, loin des villes et du bruit. La vie passe tranquille, on est tous entre amis. Une alouette chante, annonçant le printemps, les beaux jours qui reviennent, présage du bon temps. Si la ville pour beaucoup est la terre promise, mais le béton partout fait faire la valise. Auprès de mes montagnes, loin des villes et du bruit, la vie passe tranquille, on est tous entre amis. Une alouette chante, annonçant le printemps, les beaux jours qui reviennent, présage du bon temps. Pour moi, rien de plus beau qu'une verte présence

musique dans la tête avec Maté Altéry. J'ai une musique dans la tête. Dès que tu es dans mes bras, c'est comme une valse douce qui tourne. Cela, tu rirais aux éclats et me dirais t'es bête avec ta musique dans la tête. Ou si je ne dis rien, j'attends et ça revient comme une mécanique. Ça se met à chanter comme ça. Notre radio, Radio Arc-en-Ciel. Voici donc le Grand Boulevard avec Francis Ninel. Planer sur les grands boulevards, y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards qui vous débitent leurs bobards. Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Quand j'ai une gosse à bécoter, le passage Brady est très utile. C'est chaud l'hiver et frais l'été, c'est calme et c'est tranquille. Ou bien tous deux on va rêver dans les vitrines des magasins, choisir elle une robe imprimée et moi un chouette costume rayé pour quand je ne serai plus sans un. J'aime planer sur les grands boulevards. Y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. Y a les cafés et leurs comptoirs. Et puis les terrasses où des petites femmes se prélassent. Moi, je préfère les milk bars. Y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. Des trucs avec une paille dedans, servis par une gosse avec un petit bonnet blanc. J'aime flâner sur les grands boulevards, les soirs d'été quand tout le monde aime bien se coucher tard. On a des chances d'apercevoir des yeux angéliques qu'on suit jusqu'à la République. Puis on retrouve son petit hôtel, sa chambre ou sa fenêtre donne sur un coin de ciel. D'où vous parvient comme un appel toute la rumeur, toute la lueur du monde enchanteur. Et donc voici Le Pêcheur avec Andrex. Le pêcheur au bord de l'eau, abrité par un chapeau, est heureux et trouve la vie belle. Tandis que flotte son bouchon, il sifflote une chanson, pom pom pom, en taquinant le goujon. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, il voit passer des bateaux et salue marins et capitaines. Il garnit son hameçon, pas un coup à son bidon, que c'est bon en taquinant le goujon. À midi c'est le repos, il ôte son paletot et d'une vieille musette sort un bout de pain et des rillettes. Sur l'herbe qu'il fait bon, il pique un roupillon. À 5 heures, il reprend position. Installé sur un pliant, il surveille patiemment le bouchon qui danse au fil de l'onde. Même s'il ne prend pas de poisson, il ne trouve jamais le temps long. Pom pom pom, en taquinant le goujon. Autour de lui, les gens s'agitent. Amour, bonheur, argent. Tout le monde va de plus en plus vite, mais ça le laisse indifférent. Le pêcheur au bord de l'eau, abrité par un chapeau, est heureux et trouve la vie belle. Loin de toute agitation, il sifflote sa chanson, pom, pom, pom, en taquinant le goujon. Il ne lit pas les journaux, n'écoute jamais la radio, les oiseaux lui font de la musique. Il croit que les gens sont bons et remplit ses illusions. Il sourit en taquinant le goujon. Il prend chaque mardi un billet de loterie. Surtout ne croyez pas que c'est pour singer les rajas. Notre pêcheur s'en fiche, car lui s'il devenait riche, ce serait pour acheter une péniche. Et alors au fil de l'eau, abrité sous son chapeau, on le verrait sur toutes les rivières. Et on lui crierait, pêcheur, je crois qu'au fond de ton cœur, t'as trouvé le secret du bonheur. Pom pom pom, en taquinant le goujon. C'est une rumba et c'est Tom. C'est une rumba tendre et nostalgique qui verse en mon cœur un poison magique par sa musique mélancolique. M'apporte l'amour dans son rythme lourd, blotti contre lui. Quel joli rêve, c'est vrai d'Arc-en-Ciel, un amour de FM. Se retrouver la semaine prochaine. Donc, et bien à partir tout simplement à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver l'émission Découverte avec Emmanuel. Et puis juste après, entre 19h jusqu'à 22h, avec Albino, l'émission Marika. Et puis demain, samedi, entre 9h jusqu'à midi, avec Christine, l'émission tout simplement Portugal, nous, Corésiens. Voilà, donc, et bien, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. Et puis passez une bonne fin d'après-midi. Et puis, bon Julie, bonsoir. Oh, cet ascenseur. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment.